Pinodeurs, pinodiens, pinodiennes du monde, et d'ailleurs, voire même des somaïncas. C'est bien Cargoculte aujourd'hui, bonjour. Et très heureux que vous soyez là, parce qu'aujourd'hui, c'est un cargo culte. Il est déjà miraculeux, alors à plus d'un titre. Alors, quand je dis miraculeux, on pourrait d'ailleurs penser que c'est un jeu de mots sur le titre de l'album qu'on va écouter. Bon, allez, avouez-le, c'en est un, effectivement. Miracles, disque signé par Imma Sumac en 1972. Imma Sumac. On détache les syllabes, parce que quand on programme une femme comme celle-ci dans cargo culte, il faut l'assumer. Pour l'assumer, je ne pouvais pas être tout seul. J'avais besoin d'un coup de main. Et pour ça, je suis très heureux d'accueillir mon Imma Sumac à moi. C'est Valérie Vivancos. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Je suis très heureux que tu sois là parce que on partage probablement, toi et moi, un amour à plusieurs degrés d'ailleurs, de Imma Sumac, parce que c'est le genre de femme qui génère autant de passion que de dépassion, voire de désamour. Mais c'est probablement pour ça qu'elle a une digne place dans cette émission Cargo Culte ici. Et puis, parce que, qu'on le veuille ou non, cette femme d'exception, maintenant, fait partie d'une espèce de paysage culturello, camp, tient lieu de l'étendard autant que de l'artiste de variété qu'elle était, quoi. Oui, alors artiste de variété, c'est quand même assez réducteur par rapport à ce qu'elle propose. À mon sens, c'est vraiment un ovni, une femme très singulière qui a été récupérée, qui a joué de l'exotica, etc. Mais je vois en elle plutôt une personne à part entière, totalement singulière et qui a su surfer sur certaines vagues. Notamment une vague un peu primitiviste de la pop des années, de la fin des années 40 jusque même dans les années 80-90 aux États-Unis. On va décortiquer ça, Valérie. Je trouve très légitime que tu sois avec nous ici. Je ne t'accueille pas en tant qu'artiste, mais j'ai quand même envie de saluer quand même l'artiste qui est en toi et qu'on aime, hein, Valérie Vivancos. Et puis quand c'est sur disque, c'est Ocean Viva Silver. Valérie Vivancos, c'était aussi une des têtes de pont du réseau Fair Play. C'est un réseau qu'on aime beaucoup ici et puis qui est important puisque c'est un réseau qui réhabilite le rôle des femmes, principalement dans la musique électronique, femmes ou transgenres, dans des sphères de compositeurs qui sont trop souvent masculines. On le sait hélas trop bien. Donc que tu sois ici en porte-parole légitime de Imma Sumac, femme objet ou femme fatale, c'est aussi extrêmement intéressant. C'est d'ailleurs en plusieurs éléments qui s'imbriqueront un peu au hasard de nos discussions qu'on va parler d'Imma Sumac. En préambule, et pour saluer le disque dont on va parler là, ce qu'il faut dire, c'est que Miracles, effectivement, porte bien son nom parce que c'est un disque qui va suivre un silence assez conséquent d'Imma Sumac, qui avait d'ailleurs fait son dernier report discographique probablement en 1960 ou 61, quoi. Et donc, 11 ans après, mais toujours avec les équipes qu'il avait, on va dire, fabriquées. Et je pense aux... Soutenues, voilà, je pense à... Je pense qu'elle s'est fabriquée toute seule. Oui, il n'y a pas autant de soutenues de manière. Mais moi j'ai observé la femme musicale et la femme encadrée par des pontes musicaux avec toi. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'effectivement, toi, tu puisses nous évoquer le phénomène, outre le phénomène vocal incroyable, le phénomène quasi social qu'a pu devenir cette Imma Sumac. Rappelons-le, c'est une diva exotica qui émerge dans les années 50. Elle va devenir une star, mais colossale, oui. Avec effectivement un don pour la voix proprement unique. Elle a 4 octaves et demie dans la voix. 5. Alors on disait 5, et puis alors après on s'est rendu compte que c'était 4, et finalement de manière quasi mathématique, on a jugé que c'était 4 et demie. Il faut dire, Valérie, autant l'assumer tout de suite, que cette émission, on va parler d'Imasumac, va être probablement remplie d'informations, pas forcément contradictoires, mais dont on ne saura jamais à quel point elles sont justes ou pas. Et des fois, ce qu'on pense être très juste, l'est carrément pas trop. Donc, on ira un peu du coq à l'âne. De toute façon, toute mythologie se construit sur, justement, des mythologies. Et quand la mythologie est plus belle que la vraie réalité, qu'est-ce qu'on garde ? La mythologie. Alors, on va bien l'évoquer, cette mythologie-là. Mais quitte à soulever quand même un bout de lièvre de temps en temps. Oui. Donc, la diva, elle explose le monde à partir des années 50. Et puis, elle se met légèrement en retrait, mais c'est plus un retrait stratégique, avant de réémerger en 1972. Donc avant de parler plus de ce disque, il y a un truc un peu bizarre, parce que c'est un truc qui mélange exotica et psychédélisme, fuzz guitare avec de... comme ça. Tu fais beaucoup mieux, Imasumac, que moi, tu le prouveras, j'espère, tout à l'heure. C'est aujourd'hui, avec un gros rhume, voilà. Je peux aller dans les basses. Pour les aigus, ce sera un peu plus compliqué. Donc, ben voilà. Alors allons au cœur du truc. Et là, toi, tu es beaucoup plus fan d'Imasumac que moi. Comment elle arrive sur scène, surtout que c'est un peu sans prévenir quand même, quoi. Alors, c'est pas sans prévenir, simplement, comme ça se passe pas en Occident, c'est pas documenté. Donc, elle a déjà une carrière avant d'arriver aux États-Unis. Elle est repérée lors de concerts à Lima, un grand concert devant 40 000 personnes, c'est pas rien. Elle est repérée en Argentine, au Mexique. Enfin, elle commence sa carrière en Amérique latine. Et son chant. Il faut rappeler qu'elle est péruvienne, elle est née en 22 au Pérou. Voilà, alors la légende qui voudrait qu'elle serait une descendante des Incas, une princesse Inca, pourquoi pas, enfin, je n'ai aucune information qui confirme ou l'infirme. Disait être la descendante reconnue donc, du 13e et dernier empereur Inca, il se nommait Atahualpa. Oh. Donc, il a été assassiné, bousillé par les conquistadors espagnols. Pourquoi pas ? On peut bien croire que les conquistadors espagnols aient fait le job à ce moment-là. Mais donc, comme 13e, et elle, comme ultime descendante de cette famille-là, il s'avère que la famille d'Imasumac elle-même, elle est la petite dernière, elle est la sixième. Et il est expressément dit, dans la culture inca, que ce n'est pas l'aîné, hein, contrairement à ce qu'on connaît ici en Europe. Au contraire, c'est le petit dernier ou la petite dernière qui, héritant finalement de toute l'expérience des gens qui le précèdent, est porteur de ce titre-là. Donc, elle est impératrice parce que non seulement elle suit la lignée, mais elle est impératrice parce qu'elle est la petite dernière du machin. Bon, alors après, si vraiment on enquête, on apprend que ce truc de la petite dernière, en fait, ça n'existe que dans la biographie d'Imasumac. Hein. Oui, voilà, il y a beaucoup de choses. Par exemple, le prénom qui a été rajouté, qui n'est pas sur son acte de naissance, Augusta. Enfin, il y a des incohérences. Mais bon, peu importe. Enfin, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas historienne. Et en revanche, une rumeur qui a circulé et qui, là, à mon sens, était sans doute fausse, c'est le fait qu'elle s'appelle en réalité Amy Camus, donc qui est un anagramme de son nom et qu'elle aurait été une femme au foyer de Brooklyn. Enfin bon, là, c'est complètement farfelu. Si on entend les enregistrements d'Imasumac qui parle, elle parle couramment espagnol et elle parle anglais avec un accent espagnol. Voilà, soit c'est de l'acting studio toute sa vie, j'y crois pas trop. Mais ça l'a assez embêté. On voit que dans des interviews, ça revient souvent et qu'elle est agacée par ça. Bon, parce qu'il y a aussi peut-être le désir de correspondre à cette légende de la princesse Inca ou de la... Faut admettre qu'il y a une longévité incroyable. Elle meurt en 2008, donc née en 22, ouais, on calcule. C'est quand même une jolie longévité. Et puis plusieurs vies. Là, on est un peu sur la vie exotica, la vie mambo. Celle-là qui l'a fait connaître. Parce qu'en termes de... Je crois qu'en termes de vente de disques, on est dans des millions. Hein. Oui, Il est probable qu'en son temps, elle a vendu plus que les Beatles. Ça ne se discute même pas. Quoi. Alors aujourd'hui, à la longue, peut-être que les Beatles sont gagnés, mais juste au finish. Quoi. Oui, non, c'est Capitol Records derrière. Donc, une grosse force de frappe et de gros pressages, des disques épuisés, ce qui est assez rare à l'époque. Oui, elle vend des millions, elle se produit devant des millions de personnes. À travers le monde, pas seulement aux États-Unis. Elle fait un carton en Russie, notamment. voilà, avec des fans illustres comme Khrouchtchev. Mais ça, c'est fascinant parce que cette tournée européenne, justement, on l'a appelée la tournée russe, mais bon, pour une Américaine, alors soit sud-américaine de Lima au Pérou, soit une Américaine du sud, Brooklyn, de New York, aller en Russie, aller en Europe, voilà, c'est overseas. Et cette tournée qu'on appelle la tournée russe, elle se justifie parce qu'il y a une espèce d'amour, et pour le peu, probablement pas prémédité. Parce que le storytelling, hein, ça se fabrique, ça, c'est bien. Mais où c'est vrai que Nikita Khrouchtchev tombe, entre guillemets, amoureux de Yima Soumak. Donc elle est accueillie mais à bras ouverts. Elle a une liberté de circulation qu'aucun citoyen soviétique n'a. Elle est accompagnée par l'orchestre du Bolchoï. Oui. Enfin, un truc donc de elle est reçue dignement comme une véritable princesse. Elle tombe amoureux des gens amoureuse, du pays, de cet accueil. Il vit 6 mois, c'est colossal. Hein, il ne s'agit pas juste d'une tournée en faisant justement le Bolchoï et les quelques très très grandes scènes de Leningrad à Moscou. C'est y passer 6 mois de sa vie. Et avant, alors passer par la France. Alors, tous les clichés sont bons avec Yima Soumak. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, elle va être saluée par Maurice Chevalier, qui dira, très gaillard, non seulement elle est chouette à entendre, mais elle est chouette à regarder. Oui, oui. Bah, oui. Mais là encore, on a l'objet... Maurice, hein. Oui, mais c'est vraiment toute la culture, et on revient un peu au regard qui se porte sur des femmes fortes, comme Josephine Baker, et des femmes différentes, et des femmes qui assument leurs différences, et qui, quelque part, n'ont d'autres solutions pour exister que d'être elle-même à 100% et d'être très singulière, avec un talent inouï et quelque chose qui est un peu de l'ordre de la fascination de la part du public, parce que en dehors de toute case, quelque part, c'est aussi ce qui lui permet d'exister dans une forme de marginalité et parfois peut-être aussi un côté... moqué, peut-être. Moi, je ne suis pas sûre que le regard ait toujours été bienveillant sur Yima Soumak. C'est probablement toujours le cas aujourd'hui, parce que de toute façon, on est au cœur d'un paradoxe évident, et je ne suis pas sûr qu'on le résoudra aujourd'hui, où à quel point Yima Soumak est une Mata Hari qui gère son destin, ou à quel point c'est au contraire une poupée fabriquée dont le destin est géré, bon, nonobstant le fait que quel que soit l'angle dans lequel on se place, effectivement, on est dans le cas d'une chanteuse totalement rare, avec ses fameux 4 octaves et demi dans la voix, et puis surtout une manière de chanter qui ressemble à rien. Ça, bah oui, ça c'est quand même à noter. Enfin, si on repart un peu en arrière et qu'on se penche sur la légende et ce qu'elle en a dit, parce qu'en fait on n'y était pas là, bon, mais ce qui est intéressant et ce qu'on entend, enfin moi ce que j'ai entendu la première fois que j'ai écouté un disque d'Yima Soumak, c'était cette chose qui venait de nulle part et ces bruits, enfin ce bruit vocal qui est lié à son écoute de la nature, de la forêt, des animaux de la forêt, qui est un peu comme un filtre de field recording qui passerait par cet esprit unique et cette voix. Et on imagine des années d'entraînement étant enfant pour arriver à développer ce chant. Donc ça, c'est quand même ce qui la rend unique. En dehors de tout le décorum et en dehors de tout le contexte exotique, c'est cette capacité artistique à capter quelque chose qui va toucher de manière quasi universelle l'auditeur et l'auditrice. Elle le dit de toute façon elle-même, hein, sa source d'inspiration, c'est la nature, c'est les animaux de la jungle, du guépard aux oiseaux. Quoi. Ouais. Et bien sûr, le bruissement dans les arbres... le field recordings avant la lettre. Il y a un lien évident à faire avec l'exotica. Ce qu'on appellera l'exotica est sous des dehors effectivement un peu parodique dont on peut se moquer à satiété. Il y a du kitsch dans l'exotica, mais il y a aussi un savoir-faire étonnant et une réorchestration et une invention d'arrangement qui n'avait pas lieu d'être jusqu'alors. Tant et si bien qu'on va voir apparaître sous les écritures de Martin Zeny, je cite Martin Zeny parce que c'est lui qui est quand même le papa de l'exotica, et Les Baxter, qui va effectivement porter pratiquement toute la carrière de Yima Soumak, mais pas seulement la sienne pendant des années, et arrive aussi comme un très très solide gaillard, qui n'est pas inventeur du genre, mais qui à lui tout seul signe 210. C'est un vulgarisateur, c'est-à-dire qu'il a, il est très fort, il récupère, c'est un récupérateur, c'est quelqu'un qui va, là encore une fois, surfer sur cette opportunité, par goût sans doute, mais Les Baxter, c'est aussi celui qui invente la culture tiki aux États-Unis, qui popularise la culture tiki, à savoir ce qu'on appellerait aujourd'hui la culture hawaïenne. Les États-Unis, donc tout, encore une fois, dans l'exotisme, les colliers à fleurs, les guitares et les jolies filles qui se trémoussent. Mais bon, c'est un air de vacances, sauf que là, il tombe quand même sur, sur un vrai talent et il utilise son savoir-faire marketing, son storytelling, etc., sa façon de récupérer un mouvement pour propulser la star, la diva au devant de la scène. Bah surtout, ça introduit d'ailleurs un exotisme, pour le peu, totalement inédit. Parce que quitte à chercher exotique un peu latino, on va aller chercher du côté de Rio. Ça avait déjà été le cas avec Carmen Miranda. C'est un petit peu une espèce de proto Imaima Sumac avant la lettre. Bref, on ira sur un exotisme de pacotille. Et le premier qui vient à l'esprit, même si les ruines de Machu Picchu sont célèbres dans le monde entier, enfin supposément, en ce qui concerne le Pérou, c'est pas le premier pays où on va. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Imaima Sumac, et ça c'est le cas dès son premier disque, elle va apporter avec elle une légende locale. Moi, je suis tout à fait fasciné par les deux références continues qu'il y a chez elle, notamment X-Tabé. X-Tabé, c'est son premier disque, Les Baxter, derrière, c'est The Voice of X-Tabé. Et après, viendra la culture mambo, etc. Mais X-Tabé, il faut le rappeler, enfin le rappeler, il faut le dire, parce que c'est assez peu connu. C'est dans la mythologie inca, c'est une femme surnaturelle à laquelle on octroie des pouvoirs un peu maléfiques, il faut le dire. Mais pourquoi ? Parce que c'est en fait une femme fatale. Une femme puissante. C'est une femme puissante, c'est une femme fatale, c'est une femme qui sort, qui couche avec des hommes, elle revendique des partenaires multiples. Là où sa sœur, dans la phase B de cette mythologie-là, elle est une forme de sainte Nitouche, beaucoup plus respectée par le village, tandis qu'X-Tabé, cette espèce de Matahari quasiment proto-féministe, elle va être détestée par la communauté jusqu'à ce qu'à sa mort, les animaux de la jungle, les oiseaux, tout comme les singes ou les guépards, viennent à elle autour de sa sépulture, etc. Donc le premier disque d'Imaima Sumac, mine de rien, raconte ça. Et de fait, invente une femme totalement comme ça, enfin, qui porte le yin et le yang de la femme en elle-même. C'est totalement incroyable en 1950. Oui, c'est vraiment, et c'est une dimension qui passe, enfin, sur laquelle les gens passent, je pense, le public n'a aucune référence historico-légendaire par rapport à ça. Et ça ramène dans la pop un côté païen, un côté religieux, un côté femme puissante, émancipée. Et je pense qu'elle porte ça. Elle porte ça. Si vous voyez des images, parce qu'il y a quand même quelques documentaires qui ont été tournés sur où on la voit, des images où elle a quand même une espèce de port de reine et une assurance. Et je pense qu'elle croit en sa propre légende, en sa propre puissance, tout en étant un peu obligée de composer avec la réalité, qui ne se plie pas forcément à ses désirs. Mais en tout cas, c'est une image qu'elle véhicule et qu'elle assume. Ça passe par, j'ai l'impression que ça passe par un code vestimentaire fort, ce côté princesse, reine, on la voit même avec une couronne, et puis une robe à... Enfin, c'est même pas une robe à foufou, ça, les robes qui font 2 mètres de large. Hein, ouais, à jabot, par quelques, voilà, à cerceau, à jabot. À jabot, voilà, j'en porte peu, donc... Pourtant, aujourd'hui... C'est pas manque de place, la pièce serait plus grande, je le ferais avec bonheur. Ça se décode donc dans le look vestimentaire, mais ça se décode dans la voix, tout simplement. Dans le registre grave, et elle peut chanter très grave, c'est évidemment toute l'animalité, c'est X-Tabé qu'elle a, c'est la femme sensuelle, c'est une évidence qu'une voix grave est extrêmement sensuelle. Quand elle est haut perché, tel l'oiseau enregistré par Olivier Messiaen, d'ailleurs il n'était pas enregistré, l'oiseau de Messiaen, il était dactylographié par Messiaen au pied de l'arbre. C'est tout à fait volontaire d'ailleurs que je fasse un rapprochement entre Olivier Messiaen quand même sur une intelligentsia de musique pré-contemporaine, en tout cas musique post-classique du XXe siècle en Europe et en France spécialement, et puis un personnage de... bah, comme Imasuma, qui est à la fois génial et personnage de foire, et qui, elle, va aussi, donc, avec ses références animales, et particulièrement à l'oiseau, là, dans le registre aigu, camper bah, l'opposé de cette femme sensuelle, rauque et, entre guillemets, dominatrice. Ça devient la Vierge du Soleil. C'est le mot, c'est le mot d'Imasuma. Il y a un titre qui s'appelle comme ça. Mmh. Et évidemment, c'est celui où... Enfin, j'essaye d'imiter Imasuma que je ne peux pas. On l'entendra bientôt. Mais vous allez comprendre, il y a vraiment... Et de fait, ce n'est pas juste la voix qui va être plus aiguë ou la voix qui va être plus grave. Quand elle chante grave, c'est une chanteuse. Quand elle chante aiguë, c'est une autre chanteuse. Et quand elle chante finalement dans l'intermédiaire, parce qu'évidemment, elle module entre les deux, on s'en doute bien, et ben, c'est encore une troisième personne. Oui, alors la projection du masculin, du féminin, enfin de toute cette gamme genrée sur sa voix, moi je serais prudente par rapport à ça. J'entends bien que ça peut, et je pense que ça a effectivement déclenché des choses très subconscientes dans l'écoute et dans la façon dont elle était appréhendée, dans les fantasmes qu'elle a pu générer. Mais justement, c'est ce qui est intéressant, à mon sens, c'est qu'elle ne se range pas dans l'un ou l'autre des registres. Elle circule, et sa voix circule comme sa personnalité, dans cette délicatesse et cette force, sans la genrer. À mon sens, c'est au-delà même des attributs masculins ou féminins entendus dans les clichés. Par-delà, ouais. On va arriver à Miracles, donc ce disque miracle bien nommé. Parce que je rappelle, effectivement, cette fameuse tournée européenne, la tournée dite russe, et puis cet amour de la Russie où elle va vivre pendant 6 mois, quand elle va revenir au pays, donc aux États-Unis, ça va être un déclin. Elle me demande d'ailleurs à quel point on n'a pas reproché à Imasuma d'avoir convolé avec l'ennemi russe. Attention, en 1961, enfin, au début des années 60, c'est la crise de Cuba. Enfin, oui, on est en guerre froide. Voilà, on est en guerre froide. Khrouchtchev contre Kennedy. Et puis Kennedy, par exemple, Khrouchtchev sera toujours là. Enfin, c'est pas... Les amours ne sont pas au beau fixe. Tu as raison de nous rappeler qu'on est bien en guerre froide. Donc on a l'impression que tout ça passe totalement par-dessus la tête de Imasuma. Alors, dans quelle mesure c'est vraiment le cas? Parce que tu faisais une référence avec Joséphine Baker, elle est intéressante. Joséphine Baker était aussi concernée par l'humeur politique de son temps. Et là, l'histoire nous a appris que Joséphine Baker, elle a été plus que témoin. Elle a été un espion, elle avait été assez efficace en tant qu'agent de renseignement pour les forces alliées. Je pense oui, pas puis pour le retour au pays de Joséphine Baker, il y a eu aussi la douche froide du racisme, hein, puisqu'elle a été très mal accueillie lorsqu'elle revient aux États-Unis. Ah bah oui, du coup, elle repart en France. Il y a aussi ça. Hein, c'est une fois l'engouement, la mode un peu passée, la mode de la Renaissance de Harlem un peu passée aux États-Unis. On reste persona non grata si on ne rentre pas dans les codes... dans les codes bien pensants de la pop star blanche. Voilà. Il y a quelque chose qui va être assez blanchisé avec ce disque du jour. Pour moi, c'est clairement le meilleur disque d'Imasuma. Pour les fans d'Imasuma, c'est clairement le moins bon. Les deux ont raison. Valérie, tu te situes où toi, dans la généalogie des disques d'Imasuma? Il faut y aller franco. Hein. Clairement, ce n'est pas mon disque préféré. J'ai du mal à l'écouter avec plaisir parce que je pense qu'il est... j'ai l'impression en l'entendant que tout le monde s'ennuie sur le disque. Voilà, les musiciens téléphonent leur performance et elle-même, j'ai l'impression qu'elle fait des vocalismes un peu forcés. Alors c'est de la projection, c'est pas forcément ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je ne sens pas toute la gamme de possibilités qu'on peut entendre ailleurs, toute la narrativité qu'il peut y avoir dans ces autres disques. J'ai plus l'impression d'entendre un peu tout le temps le même morceau, plus ou moins modulé. Alors le côté psychédélique, c'est marrant. rock psyché. Pourquoi pas, hein. Enfin, c'est un peu comme quand Pierre-Henri s'essaye au rock, quoi. Il y a un côté... Ouais, bah, enfin, Pierrot réussit quand même bien son coup, même si, comme Imasuma, il n'aimait pas le truc. Ouais. Bon, avec le temps, il s'est dit oui quand même. Mais Imasuma qui n'aimait pas ce disque, et on peut le comprendre, parce que ce que tu viens de dire est complètement juste. Il n'y a pas la subtilité, il n'y a pas la modulation. Elle est avalée par des effets, certes, psychédéliques, mais plus que psychédéliques, il y a un côté jazz funk hallucinant. C'est des pépites de sample, ce disque-là, d'ailleurs. Mais effectivement, du coup, la IMA, on l'a collé un petit peu là-dessus, comme on mettrait une effigie de timbre-poste sur un joli petit cadre. C'est ça. Quoi. Ouais. Et c'est mieux que ça. Elle n'aime pas le disque, mais elle va réussir à le faire interdire. Alors, je trouve ça étonnant parce que moi, en grandissant dans ma sous-préfecture de province, mes parents avaient ce disque-là en 1972. Donc, je me dis que si le disque avait été interdit, il aurait été, je sais pas, il serait peut-être pas arrivé jusque ma sous-préfecture bretonne. Mais ma foi, il a peut-être quand même pu avoir quelques centaines de milliers d'exemplaires parce qu'on n'est pas dans l'underground avec Imasuma, même avec ce disque-là qui participait un peu à son déclin. Donc je croyais pas à cette information. Mais en fait, il a réellement été interdit après. Avant d'être finalement le plus salué, le plus réédité, et celui grâce auquel Imasuma va toucher un public de rockers. C'est elle-même, elle en parle comme ça, elle dit « Je suis content maintenant, dans mes concerts, il y a des rockers au premier rang ». Oui, c'est l'occasion d'un vrai revival, non seulement rocker, mais un revival camp, à partir de 70 et... Tout le long des années 80, il y a aussi un public LGBT qui ne se reconnaissait pas forcément en elle, qui s'accapare cette image, son image de femme forte. Et donc, ouais, c'est le temps qu'il a rejoint, enfin l'époque qu'il a rejoint plutôt qu'elle ne rejoint l'époque. Il faut dire, pour ceux qui n'auraient pas une image d'Imasuma sous les yeux, c'est vrai que c'est déjà elle-même un personnage, elle est surmaquillée. Enfin, on la voit tout à fait dans un film de John Waters. Hein. C'est la diva sombre. C'est l'un qui s'inspire de l'autre. Ouais. Ouais, c'est la diva sombre à l'image de Nina Hagen, de Maria Callas, de Diamanda Galas. Ouais, voilà, ce sont des femmes. Toutes des femmes très maquillées. Très maquillées, brunes, voilà. Brunes, évidemment. Et oui, ça rejoint un inconscient populaire et peut-être une envie de l'époque de s'identifier à ce personnage, à son personnage extérieur, en tout cas. Et alors, c'est quand même un disque qui a été adoré, d'où le cargo culte, parce que c'est un disque culte pour certaines personnes. Voilà, au moins. On ne peut pas le nier. Et moi, j'avais trouvé sur une petite critique en ligne, là, que j'ai traduit brièvement, qui exprime la fascination d'un auditeur qui dit « Cet album est tellement détraqué que j'en serai toujours fan ». Il me fait penser à un groupe de narco-guérilla péruviens du début des années 70, aux longs sourcils moustachus prenant de l'ayahuasca et jouant avec une sorte de guide spirituel femme-oiseau. C'est beau! Wow. You won't, you won't, you won't.

Voilà donc Klaus Nomi et Senior Coconut qui font un concours de karaoké kitsch. Et c'est Imasuma qui gagne à la fin. Bah oui, ça convoque tout. Et ça, c'est formidable. Alors, je ne sais pas si j'aime plus Imasuma que maintenant qu'avant. Je ne la déteste pas plus maintenant qu'avant. On ne peut pas détester Imasuma. Mais comment pas se marrer? Surtout, ce morceau-là, les deux derniers sont absolument totalement tutélaires pour corroborer tout ce qu'on disait. Alors d'abord, ce tout dernier-là, qui est en fait un morceau qui avait été expurgé de l'album, il est plutôt pas mal. Hein. Ça s'appelle Savage Rock. C'est censé être un rock sauvage, on ne va pas traduire. Et Valérie, tu avais mille fois raison, c'est-à-dire qu'on est exactement dans cette espèce de surenchère, mais en même temps, on fait un peu le job de... Oui, et puis après... Donc tout y est, tout le registre animalier, hein, vraiment du guépard au petit oiseau, en passant par le chien à mamie, alors, un peu Yorkshire hein, quand même, à un moment. Et puis bah, avant, alors attention, l'animal andin par excellence, ce roi de l'azur, ce prince des nuées, même Baudelaire n'y avait pas pensé, c'est le condor, plus encore que l'albatros, el condor pasa. il passait. Ah, el condor pasa. Je suis très content de prendre un accent espagnol qui est probablement le meilleur que vous trouverez sur la place de Paris aujourd'hui, mec, ça fait rien. J'étais prince Inca, on l'a bien compris. J'étais prince Inca dans une sous-préfecture de Bretagne en 1970. Et pour le peu, ça devait être une des 4 millièmes versions du truc. Comme tout bébé punk, j'étais traumatisé par la version de Simon et Garfunkel de cette chanson-là. Elle la récupération, oui. Voilà, bah oui. Et puis alors, c'est plus qu'une récupération, parce que finalement, c'est le jackpot complet, hein, ouais, avec ces morceaux-là, et plus, bien sûr, l'album. Bref, Simon et Garfunkel. Et pour le peu, cette version d'Ima Sumac, alors kitsch à souhait, et qui participe autant à une forme de récupération que celle du duo précité, de fait, devient une espèce de version complètement contre-culturelle. C'est-à-dire que c'est le punk du non-punk. C'est le punk de Simon et Garfunkel avant le punk. Donc voilà, dernière incarnation d'Ima Sumac qu'on peut discuter avec toi, Valérie. Est-ce que Ima Sumac est punk ? Oui, Ima Sumac est proto-punk, proto-punkette, sans hésiter. On a Steny Hagen et Diamond Agalas, donc écoute. Punk malgré elle, ou punk sans le savoir, voilà. Le punk est né d'un producteur génial et un peu énervant qui était Malcolm McLaren. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'Ima Sumac est né d'un producteur génial, et qui est plus que son producteur, c'est son mari, c'est Moïse Vivanco. Vivanco, oui. Merci de m'avoir corrigé l'accent. Il est essentiel hein, quand même dans l'architecture et la construction du mythe d'Ima Sumac. Oui, c'est un peu le René de Céline Dion. Alors, je ne cache pas mes références. Oui, alors moi, je n'en suis pas là. Alors qu'on sera, je te promets que l'année prochaine, on se refera un cargocule pour Céline Dion. On va laisser passer quelques mois, Valérie, si tu veux bien. Ce genre de truc, on ne peut pas en faire comme ça. Tu ne peux pas mettre Céline Dion et Ima Sumac coup sur coup dans la même émission. Tu viens et de le faire, mais... Et pourquoi pas c'est pas bien. Non, mais enfin, blague à part, on a quand même effectivement le rôle du protecteur, producteur, de régisseur. Il faut savoir qu'au départ, l'ambition de Moïse Espivanco, c'est d'être aussi célèbre qu'Ima Sumac. Enfin, il crée un trio qui s'appelle Inca Tiki ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Inca Taki, voilà. En plus, c'est Taki. Donc, il crée un trio avec une deuxième chanteuse qui s'appelle Yolanda Rivero, qui est ensuite connue sous le nom de Cholita. Et c'est comme ça qu'il démarre. Et il tourne en Amérique latine avant d'arriver aux États-Unis. C'est un trio folklorique qui veut mettre en exergue le folklore péruvien. Donc, là, la réalité, c'est que Moïse prend conscience en entendant chanter Ima qu'elle est exceptionnelle et qu'il cherche à l'utiliser quelque part pour mener à bien ses ambitions de gloire et voilà. Célébrité musicale. Et pour autant, ça n'en fait pas un Pygmalion. Ou si, quand même. Il est difficile de savoir où s'arrête le rôle de l'un et de l'autre, mais ils ont quand même vécu longtemps ensemble. Je crois qu'ils se sont séparés à la fin des années 50. Ils se séparent avec Perte et Fracas. Le divorce, entre guillemets, est télévisé. Oui, c'est médiatisé. La télé va sur une scène d'engueulade. Ouais. C'est extraordinaire. Mm. Donc forcément, on sait qu'on est dans le storytelling. Hein, il ne peut pas en être autrement. Donc, comme tous les couples, comme Ike et Tina Turner, comme Cher et Sonny, enfin, tous ces couples qui sont dans une forme de symbiose artistique et amoureuse, et de scandale à la fin, et parfois de violence ou de violence psychique, c'est difficile de savoir où s'arrête l'influence, où elle commence, etc. Il est certain que c'était un musicologue, c'était un musicien qui l'a introduit toute la partie musicale des premiers albums. Enfin, c'est lui qui est à l'origine de la partie musicale instrumentale des premiers albums, et ça, on peut pas le lui enlever. Il y avait un accord avec la voix d'Ima Sumac. Ce que fait Les Baxter plus tard, c'est autre chose. C'est du copier-coller, une espèce de... C'est un collage, en fait. Voilà, avec la force de l'arrangement, de l'orchestration, de moyens relativement colossaux, effectivement. En guise de sortie, parce que j'aime bien qu'on quitte cette émission comme ça, un petit pas de velours, ou alors avec Perte et Fracas, sur quelque chose qui va s'inspirer de près ou de loin du musicien du jour. Et là, on va être dans les deux camps à la fois. C'est-à-dire qu'on va être à la fois très près et puis très très loin. On peut redire, et que c'est sans surprise, qu'Ima Sumac est devenue une diva très camp, mais alors aussi, à contrario... vachement cité dans le hip-hop. Alors, le hip-hop, un peu relou, bien macho. Je pense à Welly, qui, il n'y a pas très longtemps, prenait comme ça un sample d'Ima Sumac. Bon, c'est pas du tout un truc intéressant, en plus. C'est-à-dire que c'est même peut-être plus vulgaire dans la culture hip-hop aujourd'hui que ne pouvait l'être Ima Sumac dans la culture exotica de l'époque, soyons francs. Mais de manière plus étonnante et de manière assez sibylline, il y a pas mal d'instrumentaux, donc de passages, sans Ima Sumac, qui ont été piqués par quelques doudingues du trip-hop. Hein, voilà, DJ Shadow, notamment, l'a fait. Et il se trouve que j'ai retrouvé par hasard, et alors j'ai été aidé par le fameux site Whosample.com, qui l'a samplé, me rappelait d'un des groupes que j'ai le plus aimé au début des années 80. Et quand bien même c'était sur leur troisième album qui signait un certain déclin, il me semblait reconnaître quand même quelque chose du mambo d'Ima Sumac dans le groupe Palace Chambord. Et la confirmation est faite, effectivement. Le site le dit clairement, et du coup c'est facile de vérifier qu'effectivement au cœur du troisième album de Palace Chambord, celui qui va se constituer en fait pratiquement seulement autour du duo Thomas Feldman et Maurice Nosval. Ces deux personnes vont devenir essentielles dans le développement de la culture électronique dans la décennie suivante, on le sait. Mais il y a cette genèse avec Palace Chambord qui est absolument passionnante, foisonnante. Premier album sublimissime, j'y reviendrai dans un caroucule, c'est juré. Le deuxième est tout aussi intéressant parce qu'il arrive à faire le lien avec une culture justement latino-bariolée baroque, notamment produit par Coatimundi. Coatimundi, c'était le partenaire de Kid Creole et donc d'Auguste Darnell dans Kid Creole. Bon, attention, c'est du name dropping. Et troisième album où justement les gars sont un petit peu en autonomie sur une forme de alors, New Wave, totalement popisante. On n'est plus dans les recherches quasiment expérimentales et post-industrielles du début des années 80. On est dans quelque chose où Depeche Mode et Soft Cell sont passés par là. Donc, on cherche à faire des tubes. Et dans cette histoire-là, Palace Chambord va chercher à en faire. Ils vont rater leur coup. Mais ils vont néanmoins faire un ou deux morceaux qui auraient... Voilà, ils ont raté la marche, mais ils auraient très bien pu monter sur le podium. Et le titre qu'on va entendre là, Spy versus Spy, est... En fait, alors c'est une chanson de 4 minutes, mais vous allez voir, il y a un break à 2 minutes 30 à peu près. Et là, clairement, c'est du mambo. C'est exactement le même truc. Mais alors avec ces arrangements pop et synthé pop de l'époque, c'est plutôt bien produit et mieux produit que le tout venant de l'époque, finalement. Et c'est une forme de désincarnation d'Ima Sumac, puisqu'elle n'est pas là, mais elle est réincarnée par quand même les gars qui vont inventer la techno-dub des années 90 en Allemagne. Donc, Est instrumentalisée, quoi. Instrumentalisée, mais c'est aussi qu'elle est partout. C'est-à-dire que c'est une espèce d'ectoplasme et de fantôme qui peut se faufiler jusque dans les microphones de Cargo Cult aujourd'hui, quand même. Merci Valérie d'avoir été mon accompagnatrice sur ce sujet qui est excellent et merci de m'avoir aidé à réhabiliter Ima Sumac au cœur de nos auditeurs. Tout ça, je n'aurais jamais pu y arriver. Merci à toi. Smell it. Love, love makes me the spy. Love, love makes me the spy.